Il court sans bruit alors. Elle a le cœur qui bat plus fort. Il a les mots pour le corps à corps. Et il chavire sans effort. Chez elle à son réveil et il chavire sans chavire sans effort.